آداب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 5. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق المسألة الخلافية فيما يتعلق برؤية الهلال في بلد، فهل يلزم بقية البلدان الصوم؟ نعم، فما هي خلاصة هذه الأقوال؟ On a cité trois قول. أنه si dans un bilad il voit الهلال هلال رمضان، est-ce que tout le monde doit faire le siyam؟ On a cité trois قول. تفضل. القول الأول أنهم يجب على الجميع الصيام. نعم. القول الثاني عندما نعم يصوم إذا كان هذا البلد له نفس المطلع أي مطالع القمر. نعم. الثالث نعم يرجعون إلى الأمير، أي إذا قال حاكم البلاد أنهم يصومون فيصومون. On avait détaillé أن القول الراجح هو القول الأول، الصوم يوم تصومون أو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وكذلك الصوم يوم تصومون، إذا صام بعض المسلمين يصوم الجميع. On avait vu que c'était أقرب الأقوال. لا شك أن البلدان ils ont pas les mêmes مطالع. Le Maroc et l'Indonésie, par exemple, c'est très loin. ربما نحن il fait jour, هم il fait nuit. Et il y aura un changement. Ça, il n'y a aucun doute. لكن كما قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه, ça a aucun effet sur le حكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم, il a appuyé par le wahy, et le hadith, il nous montre clairement que ceux qui jeûnent, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالصيام. Ce n'était pas que pour أهل المدينة. Et ce hadith, il est valable pour toutes les époques. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait le siyam, al-jami' il doit jeûner, ça c'est al-qawl al-sahih. Lakin, on avait nabba, vu que maintenant, c'est le troisième qawl qui est appliqué, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, chaque muslim il fait avec son pays, al-an, c'est ala hada. Fal-ulama, minhum Cheikh Abdel Aziz bin Baz, et on a lu kadhalik kalam Cheikh Al-Albani, et kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, ينصحون أن كل واحد يصوم مع بلده pour éviter الخلاف pour éviter الفرقة أكثر. هذا c'est le قول الصواب إن شاء الله تعالى. Et كما قال الشيخ الألباني, tant que le premier قول il est pas appliqué, نعم, en attendant, فالأفضل أن كل واحد يصوم مع نعم مع بلده pour éviter الخلاف والفرقة. فسي شهر العبادة. Mais si ça commence avec le khilaf, khassatan au sein d'une même famille, faroubama yatahajaroun, et ça fait du mal, shaitan y rentre, fal afdal ma taqaddam, wallahu a'lam. Baqiya mas'ala, alladhina ya'ishuna fi bilad al-kuffar. Amma ma taqaddam, c'est ceux qui vivent dans un bilad muslim. Annahum, l'amir lui-même, il va prendre une décision. Comme c'est le cas aujourd'hui, walillahi l'ham, anna l'amir, Amir al-Balad, il décide c'est quand que son bilad il va jeûner par rapport à al-ru'ya. C'est ça le wajib, par rapport à ru'ya, ru'yat al-hilal. Amma ceux qui vivent fi bilad al-kuffar, fal-kuffar ils ont aucune inaya bi dinillahi azza wa jalla, que ce soit bi dukhul shahr ramadan ou bi ghayri. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi fi al-sharh al-mumti', qala al-aqalliyat. الأقليات الإسلامية الأقليات سبيان جمو قليل أي المينوريتي. قال في الدول الكافرة إذا كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولها. نعم s'il y a une référence religieuse, que ce soit un marquez, que ce soit des responsables, ils reviennent à leur قول. Bien sûr si ils appliquent الرؤية. أما ما يتعلق بالحساب etc. فهذا سبب مقبول أصلا. قال وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير والأحسن أن تتبع أقرب بلاد إليها. نعم. أما si c'est pas le cas, إما y a pas une référence, إما ils appliquent pas سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي يتحرون الهلال فقط سدي حساب كما يحصل, هذا ça provoque des divergences أكثر. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين, إما elle suit البلد الأقرب أحسن من هذا والله أعلم, c'est qu'elle applique قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته, أنهم يصومون بك أول بلاد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام عند الرؤية. هؤلاء سيدي مسلمون يسون كونسيوني. فمثلا si le premier pays qu'a vu الرؤية c'est l'Egypte ou c'est l'Algérie ou c'est le Maroc ou c'est l'Arabie Saoudite ou un autre pays, يصومون. حقيقة c'est un مشكل, لأن هناك il y a des divisions أكثر. أما في بلد مسلم comme ils ont conseillé les ulama, tu reviens au Amir et c'est ce qui se passe. Tout le monde jeûne avec le même pays, avec son pays, Aqsud, et Inch'Allah, le khilaf, il n'a pas un effet néfaste. Amma fi bilad al-kufr, que ce soit en France ou autre, il y a un khilaf adib. Ba'duhum, ils vont dire on jeûne avec tel pays. Ba'duhum, ils jeûnent avec le premier pays. Ba'duhum, ils vont jeûner avec le pays le plus proche. Et ça fait un khilaf, wasi. Qaddar Allah wa ma sha'a. ولو اجتمعت كلمة المسلمين هناك أنهم يجن avec le premier balad muslim s'ils n'ont pas vu le ru'ya. أما s'il y a une autorité compétente, des responsables, et يتحرون رؤية الهلال, et ils ont vu le ru'ya, فتu dois jeûner avec cette ru'ya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته. لكن المشكلة الآن هناك أن كثير منهم ils appliquent الحساب et ils ont une عناية بالتحري الرؤية. الله المستعان. فالنصيحة للإخوان سكسيا خلاف يغبين أهل العلم, هذه النصيحة, لأن الدنيا قول وربما سيبا أدبتي, ربما يدي الشوز. فنحن نكونسي لفقر أنهم إذا حصل شيء أنهم يزابل أهل العلم إيه إذ إكسبليك لغكا. نحن مثلا دماء سي رمضان إيه خلاف, بعضهم يقول كذا بعضهم كذا, يتصلون بأهل العلم كما أمر الله عز وجل, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يغبين أهل العلم عالم من علماء السنة إذ إكسبليك لوغ كا إيبا لو مونتخي. إي سا سا مونتخ لا ديفيكولتي دابليكي سون دين في بلاد الكفر. أما سي مسائل في بلاد الإسلام سي كلير ولله الحمد. سو كي فيف دون أن بلاد مسلم يعرفون هذا, كو سا سوا أن ألجيري, كو سا سوا ماروك, كو سا سوا أو يمن, أن أرابي سعوديت, أن أندونيزي. أن دخول رمضان سواضح, tu jeûnes avec ton pays et t'artais. أما في بلاد الكفر cette chose qui est automatique ici dans un pays مسلم عندهم ça provoque des فتن et un خلاف, والله المستعان. فالنصيحة أن الإخوان celui qui veut appliquer son دين et veut se reposer, que ce soit au niveau de l'Adhan, que ce soit l'Eid, que ce soit pour le hijab, que ce soit pour دخول رمضان, الهجرة الهجرة في بلاد المسلمين سي شوز سي كلير. المرأة من الحجاب تنطن لدان tu t'habilles comme tu veux, أي أقصد tu t'habilles comme un sunni, et لا أحد ولله الحمد ينكر عليك ويطعن فيك ويتانتغدي. سي دي شوز كلير ولله الحمد. L'importance de se déplacer pour appliquer ces choses. أما tu restes là-bas et tu veux tout régler, ça t'attrape. Chaque année, c'est la même chose. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. Une autre مسألة, إذا ابتدأ الصيام في بلد وانتقل إلى بلاد آخر يخالفه. Et ça arrive pour le voyageur. Il commence le صيام au Maroc, معنا مثلا. ثم يفواياج. Il va مثلا en Arabie Saoudite. Et quand il arrive en Arabie Saoudite, il y a un décalage. Le Maroc, il a jeûné un jour avant ou un jour après. Enfin, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Est-ce qu'il se base sur son jeûne avec le Maroc ou il se base sur son siyam avec le pays où il est, l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il rajoute un jour, il enlève un jour? C'est ça, cette mas'ala est importante. قال الإمام العثيمين رحمة الله عليه. Et il a cité cette mas'ala في شرح الممتع, كذلك في فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام. إلى شرح على بلوغ المرام طيب شغل العثيمين. إلى قوي إلى تقوي رحمة الله عليه جدا في الفقه. سي أفقيه كبير في هذا الزمن. Et son livre شرح الممتع il démontre hada, c'est devenu une référence fil fiqh. قال هذه المسألة فيما إذا كان الإنسان مسافرا والمسافر له أن يفطر وله ولو في قلب رمضان يعني ولو في نصف رمضان. Bien sûr, cette masala, en général, ça sera lié au voyageur et ça y a-t-il معna les hadiths sur le voyageur, est-ce qu'il fait الصيام أم لا, et السنة elle lui autorise de pas faire الصيام. Donc le voyageur, aslan, même si il voyage dans un pays, ce pays, ils font encore siyam. Fa aslan huwa si les voyageurs yajuz lahu an ya'kul. Il peut manger, il n'est pas obligé de faire siyam. Lakin connaître cette mas'ala c'est muhim. Qala lakin kalamuna hal yathbut fi haqqihi dukhul ash-shahr am la yathbut? Non. Est-ce que il est encore fi shahr Ramadan ou il est passé à Shahr Shawwal? C'est ça le mas'ala. Amma min hayth as-siyam, ça dépendra, il est voyageur am la. Qala Shaykh Al-Uthaymeen dans un autre passage, al-wajib alayk an tuftir ma'a al-balad alladhi adrakaka al-eid wa anta fih. Si tu as commencé avec le Maroc et le Maroc il reste encore un jour et toi tu voyages en Arabie Saoudite et en Arabie Saoudite c'est l'Eid. Tu fais l'Eid avec eux, tu ne jeûnes pas. Aslan, si tu es voyageur, tu ne jeûnes pas, via dal hal, et à la kulli hal, tu fais l'Eid avec eux. Et tu manges, tu fais salat l'Eid avec les musulmans. Qala, thumma, in kana shahruka naqisan an tis'a wal 20, fa akmilhu. Si tu fais tes comptes et tu t'aperçois que tu as jeûné moins de 29 jours. On avait dit, les mois, c'est quoi? Le minimum dans le mois c'est 29 et le maximum 30. Al-an hada, il s'aperçoit qu'il a jeûné que 28 jours. 28 jours, c'est là, il manque un jour. Le minimum de Ramadan c'est 29. Fa huwa il a jeûné 28. Fi hada al-hal, il fait l'Eid, il fait salat avec eux, il jeûne pas, il mange, etc. Thumma il rattrape. Dès que c'est fini l'Eid, le jour d'après, il rattrape, ou il choisit un jour. Aham shay, il a du temps pour rattraper. Lakin le mieux c'est de rattraper directement. Limad aliana, tu sais pas ce qui va arriver. Rubama une maladie, rubama t'es occupé, rubama tu peux plus. Kadhalik pour appliquer la sunnah, jeûner les 6 jours de Shawwal. Et pour jeûner les 6 jours de Shawwal, il faut avoir fini Ramadan. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: "Man sam Ramadan, thumma athba'ahu bi 6 min Shawwal, fa sama kana siyamuka siyam ad-dahr", ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم انه يدوى في رمضان. On conseille à il rattrape le plus vite, hatta il peut faire 6 jours dans le mois de Shawwal. Hada, c'est si il a jeûné moins de 29 jours. Il lui reste un jour obligatoire. Qala, fa akmilhu, wa in tamma tis'atan wa 20, fa inna ash-shahra yakun 29 wa yakun 30. Si tu as fait 29 jours, fa le mois arabe, c'est connu, c'est soit 29, soit 30. فهذا il a fait 29. فلله الحمد il a fait son wajib. قال فلا يلزمك إتمام الثلاثين. Donc t'es pas obligé de jeûner 30 jours. Le minimum c'est 29. Sauf dans un cas. قال إلا أن يكون تاما في البلدين. فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين. Sauf si au Maroc ils ont jeûné 30 jours. En Arabie Saoudite ils ont jeûné كذلك 30 jours. لكن أنت avec ton voyage et vu que tu as commencé avec le Maroc, il te manque un jour, donc tu n'as pas fait 30 comme le Maroc, tu n'as pas fait 30 comme l'Arabie Saoudite. Fiad al-Hal, tu rattrapes, tu rajoutes un jour. Les annal muslimoun, ils ont jeûné 30. Et Ramadan, c'était 30. Anta, tu n'as fait que 29. Amma, si un des deux balades, c'est 29, fa l'amr, il est wasa. Fa hada, as-sahih, fi hadhihi al-mas'ala. Amma, deuxième cas, al-an, on a dit, il est arrivé dans ce pays, ce deuxième pays, et les gens, ils ont arrêté de jeûner. C'était l'Eid. Deuxième cas, il arrive et ils font siyam. Alors que son pays, il a délaissé, c'était, maintenant, il quitte le Maroc. Le Maroc, il sait qu'ils vont faire l'Eid. Il arrive en Arabie Saoudite, il jeûne encore un jour. Enfin, Obama, il aura rajouté un jour, s'il jeûne. قالت اللجنة الدائمة وإن كان قد أتم صيام 30 يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا. نعم. Lui il a fini les 30. Lakin il voyage et ce pays vu que c'était décalé d'un jour, il jeûne encore. Si il jeûne, ça lui fera 31 jours. Est-ce qu'il jeûne fait hadal hal? قالت اللجنة الدائمة وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد ويصلي معهم صلاة العيد. اللجنة الدائمة ils ont dit fait le jeûne et ils se basent sur le hadith du prophète sallam الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطر. كذلك pour éviter الخلاف et il suit le balad dans lequel il est. قد يقول قائل mais il a rajouté un jour. لكن في الحقيقة الشيخ ابن عثيمين il a donné un مثال طيب avec celui qui jeûne du Fajr jusqu'au Ghuroub. Normalement, tu dois manger dès que le soleil se couche. S'il voyage et il arrive dans un pays, et ce pays, il y a encore maintenant 5 heures pour le coucher du soleil. Est-ce qu'il se base sur le premier pays? Là, il se base sur le second. Ça veut dire qu'il va rajouter des heures par rapport au premier pays. Enfin, le rajout, dans ce cas-là, ça ne fait pas de mal. قال شامل عثيمين وَلِأَنَّ الرَّجُلْ لَوْ سَافَرَ فِي يَوْمِهِ مِنْ بَلَدٍ سَابِقٍ في طلوع الفجر إلى بلد تتأخر عنه في الغروب ثلاث ساعات مثلا فإنه لا يفطر. Dans ce cas-là, il mange pas. C'est pas, il arrive dans ce pays, il fait encore jour, le soleil s'est pas couché, et il dit là, j'ai quitté un pays en avion maintenant, dans mon pays, il mange. Donc je mange. Là, t'es arrivé, t'as le hukm du pays dans lequel tu te trouves. Tu dois attendre jusqu'à ce que le soleil se couche, même si tu dois attendre 10 heures. Et tout ça, fait le haqiqa, on répète, le voyageur. Le voyageur, il a le droit de ne pas faire asriya. Donc tout ça, c'est des masail, on les cite, il y en a, ça peut arriver, lakin le voyageur, il a un hukm à part qu'on verra, inshallah ta'ala. Enfin, si les voyageurs, et ils ne jeûnent pas ce jour, et il a déjà fait 30 jours, falhamdulillah, on ne lui dira pas de faire hadal hal, de rajouter un jour. Et cette masala, elle a besoin encore d'être approfondi avec كلام أهل العلم لكن نحن في الاختصار فنكتفي بهذا على كل حال si il jeûne avec le balad il jeûne et si il jeûne pas parce qu'il est voyageur فالحمدلله il a fini ses 30 jours son شهر il est complet donc في هذا الحال il rajoute pas والله أعلم comme il a نبه شيخ ابن عثيمين أنه أصلا le voyageur il a le droit de ne pas jeûner. Et tout ça, on verra les masaïl du voyage dans un bab à venir, inshallah ta'ala. Une autre masala, toujours pour rapport à l'hilal. إذا أصبح الرجل مفطرا يعتقد أنه من شعبان. أي, cet homme, cette personne, ça englobe homme ou femme, cette personne, elle se réveille, مثلاً, il a fait le fajr, ثم il a dormi, et il se réveille, مثلاً, à 9h du matin. Et à 9h du matin, il mange. Il croit qu'on est encore fi Sha'ban. Thumma, il s'aperçoit que, ou on l'informe, annahu c'est Ramadan. Qad yaqul qa'il, mais en général, les gens, ils savent, sahih. Surtout maintenant, avec Internet, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, dès que Ramadan, ça commence, en général, tout le monde le sait. Lakin, ça peut arriver à une personne qui travaille la nuit. Une personne, elle travaille la nuit, ربما il a fait le fajr ثم il rentre, il dort, il n'a pas consulté son téléphone, il n'a pas consulté internet, il a dormi, il a eu d'informations, personne, il était au travail. Ah là, ça peut arriver. Dans ce cas là il se réveille, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a mangé, à 9h du matin il a mangé, ثم واحد à 10h du matin il informe c'est Ramadan aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a plusieurs avis. Le premier avis, أنه يمسك فيه عما يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاء. Premier avis, أنه, bien sûr, il arrête de manger. Pourquoi? Parce qu'on est fait Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit, bien sûr, pour celui qui n'est pas excusé, il lui a interdit de manger, de boire, d'avoir des rapports avec sa femme, etc., pendant la journée de Ramadan. Et on est dans la journée de Ramadan, donc il ne doit pas manger. Donc il s'arrête. On l'a informé à 10h du matin, il s'arrête. Il ne mange plus. À partir de ce moment, il jeûne. Est-ce qu'il doit rattraper ce jour? Le premier qawl, annahu, il doit rattraper. Pourquoi? Parce qu'il est ordonné de jeûner toute la journée du fajr au ghuroub et il n'a pas jeûné depuis le début. Lakin, ha'oula, ils disent que cette personne, elle est excusée. Il n'a pas fait de péché, elle est annahu, il n'a pas mangé volontairement. Il croyait qu'on était encore à Sha'ban. Lakin, il doit rattraper. Ça, c'est qawl al-imam Ahmed. والإمام مالك والإمام الشافعي سيقول الجمهور جمهور العلماء Les pourquoi? Parce que lam yasum yawman kamilan indahum. Et as-siyam, c'est du fajr jusqu'au coucher du soleil. Fahada, il n'a pas jeûné la journée complète. Donc il rattrape cette journée. Ça, c'est un qawl. Deuxième qawl, annahu yasum yawman. Donc, les deux aqwal qu'on va citer. Et il y a des autres aqwal, lakin c'est les deux aqwal les plus connus et les plus proches. Dans les deux qawl, il doit jeûner. Le khilaf, c'est est-ce qu'il doit rattraper amla? Donc le deuxième qawl, annahu yasum wa yujzi'uhu, il rattrape pas. Pourquoi? Parce que pour eux, il a fait selon ses capacités. Pour lui, le siyam, il est devenu obligatoire à partir de 10h du matin. Les annahu, il n'a pas pu savoir avant. Et ça, c'est qawl Omar ibn Abdel Aziz, ou ibn Hazm, ou Sheikh al-Islam, ibn Taymiyyah, ou l'imam al-Shawkani, ou ghayrihim. Et vous remarquez que les deux aqwal, ils ont un wajh. Les deux aqwal, ils ont des adillah et ils ont des fondements. Le deuxième qawl, c'est fondé sur t'es concerné par les obligations selon ta capacité. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, idha alima an-nas bidukhul shahr Ramadan fi athna al-yawm, ay au milieu de la journée. Ba'd al-ulama ou ba'd al-a'imma ka Abi Hanifa fi ma adhkur, il différencie entre avant zawal et après zawal. Si c'est avant zawal, ay l'heure du dhuhr vers midi, si c'est avant, il y aura un hukm. Si c'est après, il y aura un autre hukm. Mais en fait, les deux aqwal qu'on a cités, ils sont aqr. Il n'y a pas de différence. Tant qu'il a mangé, ou il a commencé Ramadan, la journée, que ce soit au début, milieu, après le dhuhr, avant, en fait, ça ne change rien. فقال شيخ ابن عثيمين إذا علم الناس بدخول شهر رمضان في أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك. Premièrement, ils mangent plus. Ça, c'est clair. Annaka, si t'es informé et tu savais pas, on t'informe. Dès qu'on t'informe, t'arrêtes. Et tu commences ton siyam. قال لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان فوجب إمساكه. قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فليصمه أي ce يوم. Si il est, s'il est au courant que Shahr Ramadan et l'Hilal il a apparu. Fahada, il est au courant à 10h du matin. Il doit jeûner. فليصمه. قال ولكن هل يلزمهم القضاء أي قضاء هذا اليوم إلى الخلاف. Est-ce qu'il doit rattraper أم لا؟ قال شيخ ابن عثيمين في هذا خلاف بين أهل العلم. فجمهور العلماء يرون أنه يلزمهم القضاء. La plupart des savants ils disent qu'il doit rattraper. أي قول. On a vu l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, l'imam Malik. قال لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية. Et c'est ce qu'on va voir après, des masa'il dans le niyya. Naam, premier qawl, ils disent l'intention. Le jeûneur, celui qui fait le siyam, il doit avoir l'intention, min al-fajr, ila ghurub al-shams. Naam, cette ibadah, elle a un temps. Fahou al-an, il n'avait pas d'intention au départ. Il a commencé à 10h. Fa'indahum, il doit rattraper. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Ça, c'est le premier qawl. Donc, il y a un problème avec l'intention, donc il doit rattraper. Kadhalik, il n'a pas jeûné la journée complète. Alors que le jeûne, c'est une ibada, il faut jeûner la journée complète. Qadiyakul qa'il, il ne savait pas. Naam, le premier qawl, ils vont te dire naam, il ne savait pas. Donc, il est excusé. Et il n'a pas de péché. Ce n'est pas comme celui qui mange ou qui ne fait pas siyam volontairement toute la journée. Là, lakin, le rattraper, pour eux, il faut le rattraper, les annahu, il manque une partie. Deuxième qawl, قال شيخ ابن عثيمين وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء لأنهم كانوا مفطرين عن جهل والجاهل معذور بجهله. L'avis de شيخ الإسلام ابن تيمية et ابن حزم avant lui. قال ولكن القضاء أحوى. في الحقيقة القول de ابن حزم ابن حزم et le قول de شيخ الإسلام ابن تيمية il est قوي. لكن كما قال شيخ ابن عثيمين القضاء أحوى. Et pour pas prendre de risque, tu rattrapes un jour. Ma'a anna al-qawl al-thani, Cheikhuna Mohamed ibn Hizam, dans son livre, il rajah le deuxième qawl, et qui rattrape pas. Lakin, lui-même, comme il va dire Cheikh ibn Uthaymeen, al-ahwat, c'est de rattraper. Qal Cheikh ibn Uthaymeen, wa qad qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Na'am, tu délaisses les doutes. Lianna al-khilaf, il est qawi. Et comme a dit Cheikh ibn Uthaymeen, fama huwa illa yawmun wahid. Cheikh ibn Uthaymeen, il dit c'est qu'un jour. Ça serait une semaine, un mois, ربما سي ديفيسيل لكن الان سي كان جور ان جور بور با بروندر دو ريسك. كذلك قال وفيه راحه راحه للنفس وطمانينه للقلب كذلك سافا تو ريبوزي. اما سي تو لو راتراب با tu vas étudier cette masala, peut-être que tu vas choisir ou tu vas pencher plus tard vers l'autre qawl. Thomas, tu vas te demander, mais ce jour, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Al masala ma'a al khilaf il est qawi, ahsan, pour sortir de ce khilaf et l'ahwat, c'est que tu rattrapes ce jour, walillahi alhamd. Et on répète cette masala, elle est nadira de nos jours. C'est rare de nos jours. À l'époque, na'am. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, ils n'avaient pas des moyens de communication comme aujourd'hui. Faroubama dans un village, il voit Al-Hilal, et Wahed, il est au travail, ou il est loin, il est en voyage, il rentre, il voit personne, personne ne l'a prévenu. Non. Et il ne jeûne pas, il jeûne bien après. Quand il sort et il voit que personne mange, il se renseigne, ils lui disent Annahu Ramadan. Amma de nos jours, c'est nadir. Lakin, connaître ses ahkam, c'est tayyib. Il y en a, ça peut arriver. Il reste une autre mas'ala, si. Une autre masala, si on l'informe de ru'yat Ramadan ba'd al-ghurub, toute la journée il n'a pas jeûné. Ça peut arriver une personne qui travaille seule dans un endroit et il n'a pas son téléphone et il ne travaille pas avec des musulmans, il se retrouve tout seul, Obama, personne ne l'a mis au courant, toute la journée il mange, jusqu'au ghurub. Thomas, la nuit, le soleil se couche, c'est la nuit, il rencontre un musulman et il lui dit aujourd'hui c'était Ramadan, il ne l'a pas fait. Fafi had al-hal la shak annahu irattrap, l'annahu il n'a pas fait Ramadan aslan. وهو قول الجمهور جمهور أهل العلم والله أعلم. بعض العلماء يديز أن حتى هذا اللي غتحبا لأنه يسابع با لكن لا في هذا الحال إلا با جوني دو تو يغتحب سجور. انظر إتحاف الأنام صفحة 31 باش 31 إلى ستي سمسائل. كذلك لما مسألة على فن دو رمضان سوف دوني كوكم مسألة ست مسألة كنا في الآن وديبار. La même mas'ala à la fin de Ramadan avec Shawwal, ça va donner quoi comme mas'ala? Quelqu'un il pensait que c'était la fin de Ramadan, donc il a arrêté, alors qu'en fait ça continue. Là. Un jour de plus. Ah, la fin. Il jeûne. Mathalan, on est jeudi. Ce musulman il se réveille, il jeûne. Il croit que c'est encore Ramadan. Thumma, il sort, il se rend compte que c'est l'Eid. نعم فكيف فعل؟ قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد أجمع العلماء لنانيميتي دي سابون على أنه إن ثبت أن الهلال من شوال رؤيا بموضع استهلاله ليلا وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه أن الناس يفطرون. dans ce cas-là tu manges. لأننا on n'est plus pour Ramadan. pourquoi jeûner? et c'est يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit de jeûner يوم العيد. ففي هذا الحال il s'arrête de jeûner. Tu romps ton jeûne, tu manges, baqiya salat al-Eid. Amma, rompre le jeûne, l'unanimité. T'as pas à jeûner via d'al-Hal. Yana, c'est fini Ramadan. Contrairement au départ, c'est Ramadan. Tu dois jeûner. Lakin, le khilaf entre les savants, vu qu'il a pas fait toute la journée, il a pas mis la niya depuis le début. Taqaddam ma'ana. Al-An, c'est plus un moment de ibadah pour le siyam. Donc, tu coupes le jeûne. Baqiya, la salat. Salatul Eid. Là, on cite cette masala ici. On citera, inshallah, des masa'il fil Eid si on a le temps. Lakin, on cite cette masala, elle a un rapport avec notre sujet. Fa in kana qabla al-zawal. Al-Imam ibn Abdul Barr yaqul, wa in kana qabla al-zawal, ay avant al-dhuhr. Al-zawal, c'est dès que le soleil il est au plus haut. Au plus haut endroit du ciel. Ay waqt al-dhuhr. Le soleil il se lève, il se lève, il monte, hatta il atteint un pic, c'est Zawal. Thumma il commence à redescendre jusqu'au Asr, jusqu'au Maghrib. Zawal, si c'est avant Zawal, nahnu, pour aider à comprendre, Zawal c'est à peu près waqt al-dhuhr. Si c'est avant dhuhr, qala sallu al-eid bi ijma' min al-ulama wa aftaru. Donc si c'est avant Zawal, bien sûr, ils coupent le jeûne et ils font salat al-eid. Ils sont encore dans la matinée. وَإِنْ كَانَ بَعْدِ الزَّوَالِ فَاخْتَلَفُوا فِي صَلَاتِ الْعِيدِ حِينَ إِذِينَ. Si c'est après Dhuhr, maintenant ils se sont rendus compte à 15h, juste avant l'Asr, qu'en fait, aujourd'hui c'est le premier jour de Shawwal. Donc c'est l'Eid. Puis Adel Hal, il mange, il coupe. أما صلاة العيد يا خلاف بعض العلماء يديز إلا فون أبخي أنسيت قال أو أنسيت بان نحن نعم خلاف إلي طويل الصحيح pour résumer أنها تصلى في اليوم الثاني أي من الغد بعض العلماء يديز tu la fais pas الوقت اللي passé بعض العلماء يديز tu la fais le lendemain et c'est صحيح الصحيح c'est que tu la fasses le jour d'après avec le musulmane. فمثلا نحن si ça nous arrive au Maroc, on est au Maroc si ça nous arrive, مثلا il est 15h et tout le monde se rend compte qu'en fait c'est plus Ramadan. Le gouvernement il décrète que les autorités religieuses elles décrètent que c'est plus Ramadan. Donc tout le monde mange. Tumma le lendemain c'est Salat l'Aïd dans tous les musallas. C'est ça as-sahih. Wa ad-dalil ما جاء عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس. Donc un groupe de personnes il est venu voir le Nabi صلى الله عليه وسلم pour dire au prophète صلى الله عليه وسلم لأنهم يجونه pour dire au prophète صلى الله عليه وسلم أنهم ils ont vu le hilal la nuit. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a accepté leur قول. Ça montre qu'ils étaient plus في رمضان, ils étaient في شوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. النبي صلى الله عليه وسلم il a ordonné à tout le monde de couper, de rompre le jeûne et il leur a dit le lendemain, demain matin, vous faites صلاة العيد dans le مصلاه. C'est ça الصحيح. Cheikh Muqbil il a cité ce hadith في الجامع الصحيح et il a cité comme chapitre تصلى صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يعلم بتمام الشهر في وقت الصلاة. هذا Mas'ala, elle est tayyib. Donc, as-salat, c'est le lendemain. Amma, le jour où qu'ils sont informés, ils rompent le jeûne al-muslimoun. On cite des masa'il pour finir ce chapitre. C'est un chapitre muhim. Chapitre al-hilal, et l'an, on va citer chapitre al-niyya des masa'il. Thumma, inshallah, à partir de demain, on continue les hadith. Ces abouab, ils sont muhim. L'anna, c'est une ibada, et cette ibada, elle est muta'alliqa bi waqtin mu'ayyin. Elle a un début. فكونتر سو وقت مهم كذلك النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. Première mas'ala par rapport à النية. Donc النية c'est une condition pour toutes les œuvres. إنما الأعمال بالنيات. Et on précise أن النية محلها القلب. النية c'est pas une chose que tu prononces. كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. Mais ben le fait de la prononcer c'est une bid'a. L'inna c'est un amal du cœur. Donc on n'a pas à prononcer. Demain je vais faire siya pour Allah. بعضهم ils font beaucoup hada في الصلاة. Je vais faire salat al-duhur pour Allah. Là, النية c'est dans le cœur. Et النية c'est pas quelque chose de spécial que tu dois faire là. Vu que tu es une personne, wallahi alhamd, qui a la raison, tu sais ce que tu veux, si tu te prépares et tu sais que demain tu vas jeûner, c'est ça le niya. Matalan, tu sais que demain tu ne vas pas manger. Tu sais que tu vas te réveiller avant le fajr pour prendre le sahur. Tout ça c'est le niya. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de spécial. Lakin, c'est important cette mas'ala. Pourquoi ? On a vu dans la mas'ala d'avant dans le khila, un wahed, matalan, il a su que Ramadan c'est à 10h. Du matin. Donc il n'avait pas la niya avant. Il n'avait même pas l'intention. Il ne pensait même pas à jeûner. Et à Dalhal, tu vois la différence entre celui qui met la niya et celui qui ne la met pas. Un mal à prononcer, là. Al-Salaf, il ne faisait pas hada. Cheikh al-Islam, il a un kalam tayyib fi hada. Il montre que la prononcer, c'est une bid'a. La première mas'ala, ta'yin al-niya fi sawm al-wajib. Al-ta'yin, c'est le fait d'avoir l'intention de jeûner un jeûne spécifique. Matalan Ramadan. Ou un nadr, ou kafara, ou un jeûne qui n'est pas obligatoire. Matalan, le lundi et le jeudi, c'est ça le ta'yin. Est-ce que ça suffit de mettre l'intention siyam, ou il faut avoir l'intention de jeûner un jeûne spécifique? Enfin, c'est pour ça, Cheikh Mohammed ibn Hizam, il a cité cette mas'ala, wa qal, wa huwa an ya'taqid annahu yassoum ghadan min ramadan, ou min qadaihi, ou min kafaratihi, ou min nadri. Al-qada, kadhalik. Al-qada, c'est le fait de rattraper as-siyam. Tu vas avoir une niya. Enfin, si tu jeûnes le lundi, ta niya, c'est de jeûner parce que tu dois rattraper ce jour. Pas parce que c'est lundi, faqat, annahu c'est bien, annahu c'est recommandé. Là, il y a une différence la niya, vous avez compris. Qala, والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم رحمهم الله. الصحيح c'est que c'est واجب, واجب que ta niya elle soit pour quelque chose de précis. مثلا demain c'est Ramadan, notre intention c'est de jeûner. Pourquoi? Parce que c'est Ramadan. Si tu as un jeûne à rattraper مثلا شعبان, tu dois avoir l'intention que tu jeûnes parce que tu as manqué un jour في رمضان يتلغط خب. كذلك في التطوع قال الإمام النووي التطوع النافلة c'est pas obligatoire, c'est recommandé. قال النووي وأما الصوم التطوع فيصح بنية مطلق الصوم كما في الصلاة هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي أن يشترط التعيين في الصوم المرتب. نعم si c'est un jeûne un صيام qui est pas obligatoire لكن il y a une فضيلة à part كصيام يوم عرفة أو عاشورة أو أيام البيض 13, 14, 15 أو lundi et jeudi, t'as cette intention de jeûner ce jour parce qu'il y a tel mérite. هذا كما قال النووي رحمة الله عليه. كلام النووي في المجموع شرح المهذب. Est-ce qu'il doit avoir cette niya avant le fajr, أي la nuit avant avant que l'heure du siyam commence, et tolu al-fajr al-sadiq, dhahab al-jumhur, la plupart des savants, et parmi eux, l'imam Malik, ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, il a wujub tabiyyit al-niyya fil-fard, min al-layl. Tu dois avoir l'intention de jeûner, par exemple, nahnu, c'est demain, Ramadan, bien sûr, on a l'intention la nuit, que le lendemain, on va jeûner. Ça, c'est important. Il va y avoir une mas'ala qui va découler de hada. Si واحد يدور مثلا après العشاء يدور ثم il se réveille, il a manqué le fajr, قدر الله, ça arrive, il a manqué, il se réveille une demi-heure après le fajr. فالآن on est dans la période de siyam et il avait pas mis niya, il avait pas l'intention. Donc cette mas'ala elle te montre que tu mets l'intention avant et dans ton cœur tu sais que demain tu vas jeûner. En général ça va te pousser à préparer un sahur, ça va te pousser à mettre le réveil, etc. واستدلوا بحديث أي ceux qui disent que c'est obligatoire de mettre النية في الليل بحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له أي celui qui a pas de النية في الليل قبل الفجر فإلا pas de الصيام. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه et الصحيح c'est qu'il est موقوف, il est موقوف أي على حفصة كذلك جاء عن ابن عمر أي c'est pas la parole du prophète صلى الله عليه وسلم لكن c'est la parole de Hafsa, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kadalik, s'est rapporté à Ibn Umar. Et parmi ceux qui ont dit qu'il est mawquf, l'imam al-Bukhari, wa Abu Hatim, wa Nasa'i, wa Abu Dawud. Lakin, il y a un autre hadith qui est plus global. Taqaddam ma'ana hadith Umar, innama al-a'malu bin niyat. Et al-amal, al-siyam, ça commence au fajr. Donc, il doit avoir une niya, bien sûr, pour ce amal. Deuxième avis, c'est l'avis de Abu Hanifa. رحمة الله عليه أنه يصح بالنية قبل الزوال في الصوم رمضان أي si met l'intention avant الزوال, الزوال c'est الظهر à peu près midi, si met l'intention avant midi l'essentiel il dépasse pas l'heure du midi, أي الزوال ils traduisent par le zénith, l'essentiel il dépasse pas 7 heures, s'il dépasse son siyam il est batel, s'il met avant son siyam il est sahih. Et il différencie رحمه الله entre صوم رمضان والنذر et différencie entre القضاء والكفارة. Pour القضاء et الكفارة il a le même قول que le جمهور لا بد من الليل. على كل حال هذا القول استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشورة. الإمام أبو حنيفة et ceux qui ont choisi son avis ils prennent comme دليل la parole du prophète صلى الله عليه وسلم في يوم عاشورة. قال عليه الصلاة والسلام من كان صائما فليتم صومه ومن كان أكل فليتم بقية يومه. متفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع وكذلك الربيع بنت معوذ رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم عاشورة كما تعلمون quand c'était obligatoire à leur époque, quand ils l'ont su ils étaient déjà au milieu de la journée. مهم c'était après le fajr. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليتم صومه. ça montre qu'ils n'avaient pas la niya. Mais à hada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit de continuer le jeûne. Abu Hanifa, il se base sur ça pour montrer que la niya n'est pas, c'est pas obligatoire de la mettre avant le fajr. Ça peut être dans la matinée al-muhim avant le zawal. قال الإمام النووي رحمة الله عليه لو سلمنا أنه كان فرضا. Bien sûr, si on dit bien sûr que Ashura c'était obligatoire, les anna, si c'est pas obligatoire, on revient à la mas'ala fi at-tatawwu'. Et vous verrez que c'est une autre mas'ala. Est-ce que pour le jeûne qui n'est pas obligatoire, tu es obligé de mettre niya avant le fajr? Ou tu peux mettre, tu te réveilles, il est 9h du matin, 10h, tu n'as pas mangé. Thomas, tu décides de faire siyam. Recommandé. On va voir que fi hadha al-hal yajuz. Lakin an, c'est obligatoire, ça change. L'imam Nawawi dit, si on dit que Ashura c'était obligatoire, qala faqad kana ibtida fardhihi alayhim min hin balaghahum. En fait, l'istidlal il n'est pas correct. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est devenu obligatoire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés. Enfin, s'il les a informés à 10h qu'il faut jeûner, c'est devenu obligatoire à 10h. Et à partir de 10h, ils avaient mada? Ils avaient niya. À partir de 10h, ils ont mis niya. Donc le siyam, il est bon. Amma, prendre ce dalil pour dire que tu peux jeûner et tu mets la niya après, là, Léana, tu sais que Ramadan, c'est obligatoire à partir de quand? À partir de quand? Hein? Là, à partir de quand? À partir de Tolu al-Fajr. C'est là que c'est obligatoire. Amma al-Hilal, non, si tu as vu le Hilal à minuit, tu ne vas pas faire siyam à partir de minuit. Là, al-Hilal, il te montre que Ramadan, il est rentré. Lakin, une fois que Ramadan, il est rentré, tu as une heure de début. Tolu al-Fajr. Qala faqad kana ibtida fardhihi alayhim min hina balaghahum. Donc, pour siyam recommandé, on verra. Amma pour l'obligatoire, on sait que l'obligation elle commence à partir de Tolu' al-Fajr. Donc on ne peut pas dire, même celui qui met la niya, même s'il sait, il la met quand même à 10h du matin, c'est bon. Là, il sait que c'est obligatoire à partir du Fajr. Donc, prendre comme dalil, ma yata'alak bi Ashura, fil haqiqa, c'est pas sawab. Qala al-Nawawi, wa lam yukhatabu bima qabla, ka ahli Quba, fi istiqbal al-Ka'bah. C'est quoi cette comparaison qu'il fait? Et que tu dois comprendre. Avec cette comparaison, tu vas comprendre. Hadhihi al-mas'ala ma yata'allaq bi ahli Quba. Tadhkurun? Quand ils faisaient as-sala direction Bayt al-Maqdis, direction l'actuelle Palestine, al-Quds, thumma amarahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bal amarahum Allah azza wa jalla annahum, ils font salat en direction de al-Qibla. C'est quoi le lien entre istiqbal al-qibla, quand ils ont changé la qibla, et notre mas'ala de mettre niya? Est-ce que c'est obligatoire min al-layl avant le fajr, ou tu peux même après le fajr, comme il dit l'imam Abu Hanifa? L'ornia, c'était de faire salat dans cette direction. Ahsan. Naam. Vers la Palestine. Thomas. Et après, quand il y a eu la qibla, ils ont fait direction vers la qibla. Et leur niya? Naam, fa la niya, elle est venue quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura ordonné de changer la direction. Est-ce qu'ils ont refait la ibadah? Là, donc à partir de ce moment, c'est devenu obligatoire de se mettre al qibla. Donc l'imam Nawawi te montre un siyam ashura quand ils ont su, maintenant on va dire à 11h du matin, ils ont su qu'ils devaient jeûner, ils ont jeûné, ils ont mis l'intention. Comme ils ont fait istiqbal al qibla, quand ils ont su qu'il fallait faire le salat en direction de la Kaaba, ils sont tous mis en direction de la Kaaba, le Qibla, le Majid al-Haram, et ils ont fait le salat. Et ils n'ont pas rattrapé. Mais vous, donc dès que tu sais, tu mets l'intention. Enfin, celui qui sait qu'il faut mettre l'intention à partir du Fajr, il l'a mis à partir du Fajr. Mais il retarde et il prend comme dalil Siyam Ashura, fala. Hada kalam Nawawi, et c'est un kalam qawi. Farrajih, c'est le qawl l'awwal, qawl Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Naktafi, ibi hada al-qadr. Il manque une ou deux masa'il, siyam at-tatawwu', et inshallah on verra cette masa'ala dans le prochain dars. Hayyakum Allah, subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.